révolution de velours, révolution des roses, révolution orange. Autant de révolutions qui se ressemblent étrangement et qui ont plusieurs dénominateurs communs. Ceci, par exemple. À chaque fois, ces révolutions ont eu lieu dans d'anciens pays communistes devenus indépendants et elles ont été conduites sans violence ou presque. Mais elles ont été précédées par la mise en œuvre de mesures très sophistiquées. Propagande sur Internet, utilisation de symboles, campagnes téléphoniques, mobilisation non violente des foules. Toutefois, ce qui fait essentiellement que ces révolutions se ressemblent, c'est qu'elles ont été initiées par les mêmes personnages, des faiseurs de révolutions, des professionnels un peu comme il existait autrefois, dans la première partie du XXe siècle, des commis voyageurs de la révolution appartenant à l'Internationale communiste et dirigée par Moscou. Mais cela n'avait pas peur de la violence, tandis que ces nouveaux représentants en révolution entendent agir sans qu'un coup de feu soit tiré. Enfin, dernier point commun, et pas le moindre, ces professionnels sont financés par de l'argent occidental et principalement états-unien. Quel pays, après la Serbie, la Géorgie et l'Ukraine, verra-t-il arriver ces faiseurs de révolution ? La Biélorussie ou peut-être l'Azerbaïdjan ou récemment ? Le pouvoir dynastique du président Aliyev vient d'être contesté après la tenue d'élections pour le moins douteuses. Mais dans ce dernier pays, les intérêts pétroliers de l'Ouest semblent ne pas s'accommoder d'une réelle évolution vers la démocratie, pour l'instant en tout cas. Afin de mieux comprendre ces phénomènes, M. X s'est intéressé plus particulièrement à l'Ukraine et dévoile les secrets de sa révolution orange. La couleur orange, d'abord. Mmh. C'est cette couleur arborée par les manifestants ukrainiens sous forme de foulard ou de t-shirt. Elle n'a nullement été choisie au hasard. Expliquez-moi ça. Pour les spécialistes en marketing, c'est une couleur dynamique, vive et optimiste. Ah oui, attractive, donc. Quoi. Ouais. Et qui se voit de loin. Le rouge aussi, hein. Oui, certes. Enfin, le rouge, il est agressif. Et puis, comment le proposer à des gens qui viennent de subir de longues décennies de dictature communiste? Impossible. Non, c'est l'orange qui a été choisi pour visualiser l'opposition au régime. Car dans ce genre d'affaires, il faut des symboles. En outre, en Ukraine, cette couleur était associée à une vieille tradition populaire. Oui, quoi ? Lorsqu'une jeune fille voulait signifier à un prétendant qu'elle repoussait ses avances, elle lui offrait une citrouille. Mais le rapport avec la révolution, ouais. Symboliquement, en arborant foulards et drapeaux de couleur citrouille, les opposants entendaient refuser le mariage forcé que le président Kouchma voulait célébrer entre la population et le dauphin qu'il avait désigné, le premier ministre Viktor Yanukovych. Ouais, c'est quand même très subtil. Sans doute. Enfin, il ne faut pas sous-estimer ces symboles qui font quand même directement appel à l'inconscient des peuples. Toutefois, passons. Ouais. Et signalons seulement qu'en face, les partisans du pouvoir ont choisi, eux, le bleu. Alors, bleu contre orange. Quoi. Voilà. Ouais. Alors d'abord, c'est indispensable, un petit mot sur l'histoire de l'Ukraine. Ouais, comme vous adorez le donner des leçons. Et vous les subissez d'habitude sans broncher, alors permettez que je poursuive. Et tenez. Savez-vous ce que signifie le mot Ukraine ? Pas du tout. Hein. Eh bien, Ukraine pourrait se traduire par frontière ou marche. Un pays en marge, donc. Exactement. Ouais. Un territoire en bordure ou une ligne de partage. De partage, mais entre quoi et quoi, alors ? Entre la steppe et les terres cultivées. Entre la Pologne catholique et la Russie orthodoxe. Ou encore entre les populations sédentaires et les nomades. Mmh. C'est donc aussi, si je vous entends bien, une ligne de passage. Et un pays qui a été souvent victime des ambitions de ses voisins et a vu défiler de nombreuses armées étrangères. Mais puisque vous craignez mes leçons, on va essayer d'aller vite. La Russie, dès le XVIIIe siècle, s'empare de l'Ukraine. Et là aussi, ce n'est pas un hasard. D'abord, parce que les tsars ont toujours cherché à avoir un accès à ce qu'on appelle les mers chaudes. Et grâce à cette conquête, la Russie accède à la mer Noire. Par la Crimée. Oui. Et ensuite, pour les Russes, Kiev, la capitale ukrainienne, est considérée comme le vrai berceau de leur nation. L'ancienne Rousse, ou principauté de Kiev. Avant même que soit créé Moscou. Et d'ailleurs, il existe toujours en Ukraine une forte minorité russe. En outre, vous ne l'ignorez pas, l'Ukraine est alors le grenier à blé de la Russie. À cause de la fertilité de sa terre noire. Oui, le fameux Tchernosium, oui. Mais venons-en au XXe siècle. Le pays a connu à peu près toutes les horreurs possibles. On estime qu'au moins 15 millions d'Ukrainiens ont péri de façon brutale. au cours de cet abominable siècle. Il y a d'abord les pogroms de l'époque tsariste, puis la boucherie de la Grande Guerre, et après la révolution de 1917, la guerre civile entre les Rouges et les Blancs. Une guerre civile où les cavaliers cosaques ukrainiens jouent un grand rôle. Hein. Et ce partage entre les deux camps. Et c'est alors une période où l'Ukraine est brièvement indépendante et où le nouveau régime léniniste laisse s'exprimer les aspirations identitaires de toutes les ethnies. Mais ça ne dure pas. Et très vite, l'Ukraine doit rentrer dans les rangs. Ce qui n'empêche que des nationalistes continuent à s'opposer à Moscou. Résultat, Staline impose la collectivisation. Et pour briser la résistance paysanne, il organise une véritable disette qui va faire des millions de morts. Oui, et c'est sans compter les purges qui envoient au goulag bon nombre de cadres. Oui, c'est exact. Et ensuite, alors, y a l'invasion allemande. En juin 1941, oui. Mais auparavant, Staline, à la faveur du pacte germano-soviétique, s'est emparé de l'Ukraine occidentale, qui appartenait alors à la Pologne. Ça, c'est la Galicie. Oui. Et tout cela explique que lorsque les nazis entrent en Ukraine, ils sont d'abord plutôt favorablement accueillis. Oui, parce qu'ils les débarrassent de la tutelle stalinienne. Et qu'ils massacrent systématiquement les juifs. Or, une partie de la population ukrainienne, surtout à l'ouest, est notoirement antisémite. Ouais, à l'époque, hein. Oui, enfin, il faut quand même rappeler que les deux tiers de la communauté juive sont alors anéantis. Mais pour être tout à fait honnête, il faut noter qu'une résistance va naître. Une résistance armée qui va se battre tout à la fois contre les nazis et les staliniens, et qui continuera à se battre bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec ça, ça fera de nouveaux candidats pour le goulag. Bien entendu, oui. Un peu plus tard, l'Ukrainien Khrouchtchev ne sera pas tendre avec les siens. C'est lui, en particulier, qui mènera une politique radicale de russification. Il faudra aussi parler de la répression qui frappe les intellectuels ukrainiens dissidents. Vous vous souvenez certainement du mathématicien Pliouch? Oui, évidemment, oui. Oui, mais ça n'empêche pas la contestation de persister. Au nom des accords d'Helsinki, des écrivains, par exemple, se regroupent afin d'obtenir un début d'émancipation. Mais c'est la catastrophe de Tchernobyl en 1986 qui cristallise cette opposition latente. Pourquoi alors? À cause des mensonges du Kremlin? Et du mépris affiché par les autorités qui vont sciemment envoyer à la mort de nombreux hommes. Mais on en parlera un jour de Tchernobyl. Car tout n'a pas été dit. Je prends note. Au printemps 1989, alors que l'Empire soviétique commence à se fissurer, le mouvement national ukrainien, le Rourk, voit le jour. Grâce à la perestroïka de Gorbatchev? Naturellement. Et à partir de là, les choses vont aller très vite. En 1990, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, le Parlement de Kiev proclame l'indépendance de l'Ukraine. Unilatéralement, donc. Et dans la foulée, le Parti communiste est suspendu, tandis qu'à Kiev, on déboulonne une statue de Lénine. Enfin, consultés, les Ukrainiens approuvent à 92% l'indépendance. Et quelques mois plus tard, Epstein, pour mieux consolider son pouvoir, dissout le RSS et crée le CEI, c'est-à-dire la Communauté des États indépendants. Mais le Kremlin n'entend pas rompre tous les liens avec ses anciennes républiques. Et c'est en particulier le cas de l'Ukraine. Voilà, à cause des liens économiques et stratégiques. En effet, la Russie a besoin des céréales et des industries lourdes ukrainiennes, tandis que Kiev dépend étroitement de Moscou pour ses approvisionnements énergétiques. De même, les gazoducs transportant le gaz russe à destination de l'Europe traversent l'Ukraine. Ouais, donc on cohabite. Et bien obligé. Il y a pourtant un important sujet de discorde, la Crimée. La tauride des anciens. Alors, oui, quel problème? Colonisée par les Russes dès le XVIIIe siècle, la Crimée a été donnée par Khrouchtchev à la République ukrainienne dans les années 50. Et après l'indépendance, cette région peuplée de deux tiers de Russes est de fait largement autonome. Mais ça ne suffit pas à Moscou. Faut pas oublier que la Crimée est non seulement la côte d'Azur des Russes, mais aussi le QG d'une partie de leur flotte. Et au Kremlin, on réclame purement et simplement le rattachement de la Crimée à la Russie. La question demeure donc en suspens. Alors poursuivons, si vous voulez bien. Les débuts de l'Ukraine indépendante sont assez catastrophiques. Pourquoi? Le président Kravchuk est un ancien apparatchik rallié à l'indépendance. Un communiste, donc. Oui. Ou ancien communiste. Oui. Et il conduit le pays à volo. D'autant que le passage brutal à l'économie de marché n'est pas sans conséquence. Ça, on l'a vu dans d'autres pays socialistes. En effet, mais enfin là, c'est particulièrement inquiétant. L'inflation atteint des chiffres records, les salaires perdent donc une grande partie de leur valeur, et en 1994, alors que les habitants sont appelés à élire leurs députés, l'activité économique de l'Ukraine a diminué de moitié. Ouais, c'est la ruine. Et comme chez le grand frère russe, certains anciens dirigeants communistes en profitent pour s'enrichir de façon scandaleuse en s'emparant des principales entreprises nationalisées du pays. C'est tellement scandaleux que le vice-premier ministre à l'époque, un certain Pavlo Lazarenko, devra plus tard s'enfuir aux États-Unis après avoir détourné plus de 100 millions de dollars. Et l'Ukraine est alors livrée aux mains de trois clans économico-mafieux qui se disputent le pouvoir et les richesses. La question des rapports entre la Russie et l'Ukraine, qu'on appelle aussi à Moscou la petite Russie, est centrale. Et la séparation a été un crève-cœur pour les Russes. Voici l'analyse qu'en fait André Fontaine dans un numéro du Monde du mois de décembre 2002. La crise ukrainienne n'a rien à voir, quoi qu'on ait pu en dire, avec une ressucée de la guerre froide. À aucun moment on n'a entendu les mises en demeure et les bruits de bottes qui l'ont jalonné. Et l'idéologie n'y a joué aucun rôle. Ce qui est essentiellement en cause, c'est, comme hier après l'éclatement de la Yougoslavie, le vieux problème des nationalités, grand pourvoyeur au cours des deux derniers siècles de charniers. Et plus précisément la nature des relations entre l'Ukraine et la Russie et au-delà, la place que celle-ci peut espérer occuper dans les affaires du monde. Comme l'avait bien vu dès 1997 le Kissinger de Carter, Zbigniew Brzezinski, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Mais elle le devient automatiquement avec une Ukraine subornée puis subordonnée. En 1991, poursuit Fontaine, Boris Yeltsin n'avait pas hésité à s'appuyer sur les séparatistes ukrainiens pour se débarrasser tout à la fois de Gorbatchev et de l'URSS. La démarche de Vladimir Poutine est inverse. Il sait que la grande majorité de ses compatriotes éprouvent très fort la nostalgie de l'époque où, tsariste ou bolchevique, la Russie était cette grande puissance dont Tocqueville n'avait pas été le seul en son temps à prédire qu'elle se partagerait un jour la planète avec les États-Unis. Pour asseoir son pouvoir, M. Poutine entend donc les convaincre de sa volonté de rendre son rang à leur patrie. Mais revenons un peu en arrière avec M. X. Quels sont ces clans là, qui se partagent l'Ukraine dans les premiers temps de l'indépendance? Des clans qui existent toujours, malgré la révolution orange, car les oligarques sont loin d'avoir disparu. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ces trois clans disposent de bases régionales et s'appuient sur de puissants conglomérats industriels. Les anciens combinats, comme on disait du temps de l'Union soviétique. Oui, des combinats aujourd'hui privatisés. Pour la plupart, oui. Ouais. Alors, il y a d'abord le clan de Kiev, organisé autour de Viktor Medvedchuk, influent conseiller du président Kouchma. Et Kouchma, il faut le préciser, c'est l'homme qui a succédé à Kravchuk. Hein. C'est ça, oui, il a été élu en 1994, mais on en reparlera si vous voulez. Ce clan, donc, de Kiev, domine le secteur de l'électricité d'une partie de la métallurgie et des médias. Deuxième clan, celui de Donetsk, la capitale des mineurs. Mais ça, c'est à l'est du pays. Oui, hein, dans une région, le Donbass, qui se trouve à cheval entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit du plus important bassin houiller et métallurgique d'Europe. Et l'homme fort de ce clan, c'est Viktor Ianoukovitch, le premier ministre de Kouchma, qui affrontera un peu plus tard le candidat de la Révolution Orange, un autre Viktor. Yushchenko. Oui. Et dans cette région voisine de la Russie, il existe naturellement de nombreux russophones. Ianoukovitch est enfin soutenu par l'un des hommes les plus riches du pays et même de l'ex-URSS, Rina Akhmetov. Ah ça fait un allié de poids. Ah bien entendu. Et le troisième clan alors? C'est celui du président Kouchma, le clan de Dniepropetrovsk, toujours à l'est. Il est assis principalement sur l'industrie de la métallurgie, même s'il a ensuite diversifié ses activités. Son principal chef n'est autre que le propre gendre de Kouchma. Et ces différents clans sont naturellement rivaux? Bien sûr. Mais l'occasion est pour mieux préserver leur pouvoir, ils tissent des alliances. En tout cas, si je vous ai bien entendu, ces clans, à l'exception de celui de Kiev, sont plutôt situés à l'est. Et vous avez raison de soulever ce point, car on a l'impression qu'il existe deux Ukraines. Celle de l'est, très russophone, industrialisée, plus peuplée, qui votera en 2004 pour le candidat du gouvernement Kouchma. Et celle de l'ouest, plus traditionnelle. Ah oui, plus ukrainienne. C'est ça. Ouais. Et cette Ukraine-là est la plus nationaliste. C'est là qu'on trouve les citoyens les plus désireux de rompre les liens avec la Russie. Là aussi, qu'on votera plus tard massivement pour Yushchenko. J'ajoute tout de suite un élément important pour la suite des événements. C'est la région de Kiev, l'Ukraine centrale, qui permettra en 2004 de départager les deux candidats. Votant traditionnellement comme à l'Est, elle basculera dans le camp de l'opposition. Ouais, donc on donnera ses voix à Yushchenko. Oui, alors pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais il fallait pour mieux comprendre la situation ukrainienne. Un pays où les grands oligarques, ceux qui ont fait fortune grâce à l'indépendance et à la fin du socialisme, dominent à la fois l'économie et la politique. Alors, on vient un peu en arrière. En 1994, après la présidence catastrophique de Kravchuk, c'est donc Kouchma qui est élu. Hein? Kouchma qui promet des réformes et un assainissement de l'économie. Et d'où vient-il ce Kouchma? C'est un ingénieur issu d'une famille paysanne russophone. À l'époque soviétique, après avoir travaillé dans une société de fabrication de missiles, il devient le patron d'un combinat militaire établi dans l'est de l'Ukraine. C'est un apparatchik, quoi, un notable du système soviétique. Pas tout à fait, non. Il s'en défend même et mettra toujours en avant son expérience professionnelle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est élu à la présidence. Parce que les Ukrainiens lui font confiance pour venir à bout du désastre économique de leur pays. Ce qu'il va faire, effectivement. Au cours des premières années de son mandat, la crise monétaire est jugulée et la confiance renaît. La confiance, mais aussi la croissance. Et un homme joue un grand rôle dans cette reprise. C'est Viktor Yushchenko, son futur adversaire. C'est bizarre, mais enfin, quelle fonction exerce-t-il alors? Il est président de la Banque Nationale d'Ukraine. La Banque Centrale du pays, quoi. Exactement. Alors, même question que pour Kouchma, là, d'où vient-il? Écoutez, je comptais vous en parler un peu plus tard. Enfin, tant pis, allons-y. Yushchenko, lui aussi, est né dans une famille russophone du Nord-Est, tout près de la frontière avec la Russie. À noter que son père, un instituteur, a combattu héroïquement au cours de la Grande Guerre patriotique, comme disaient les soviétiques. Fait prisonnier, il a été l'un des seuls soldats de l'armée rouge à sortir vivant du camp d'Auschwitz. Un miraculé, hein. Sans nul doute. Son fils, le jeune Victor, fait des études d'économie, puis de gestion économique et agricole. Comptable, il a ensuite sagement gravi les échelons. Sagement? Oui, c'est un qualificatif qui lui va très bien. Yushchenko est un homme mesuré et plutôt discret, presque secret. Ce n'est donc pas un personnage charismatique et... Absolument pas, et on lui a même reproché de ne pas être un très bon orateur. Enfin, quoi qu'il en soit, il a eu un parcours particulièrement brillant. Au début des années 90, il est vice-directeur d'une banque de Kiev. Puis, à la faveur de l'indépendance, il est appelé à la banque centrale en tant que numéro 2. Une ascension très rapide, hein. Et bientôt alors que le numéro 1, qui est aussi son mentor, Vadim Etman, prend sa retraite, Yushchenko devient le directeur général de la banque. Et c'est lui qui va créer la monnaie nationale et vaincre l'inflation. Ici, je dois peut-être faire une parenthèse. En 1998... ce Hetman est assassiné à son domicile, je crois. Un assassinat qui demeure encore aujourd'hui mystérieux. Oui, mais Yushchenko n'y est pour rien. Oui, bien sûr que non. Mais il faut que vous sachiez que Hetman envisageait d'être candidat à l'élection présidentielle de 1999 contre Kouchma. Ah, et ceci explique peut-être cela? Pourquoi pas. Enfin, vous verrez dans la suite de ce récit que Kouchma et ses hommes de main ne reculaient jamais devant l'utilisation de méthodes expéditives. Oui, mais comme vous le dites si souvent, n'allons pas trop vite. Enfin, si vous me prenez mes répliques, alors maintenant... Enfin bon, vous avez raison, c'est devenu une sorte de tic que vos auditeurs me pardonnent, certainement. Alors, si vous voulez bien, je continue. En 1995, événement très important dans la vie de Viktor Yushchenko. Il part en voyage aux États-Unis. Un déplacement organisé par une fondation ukraino-américaine. Parce que les États-Unis, il faut le savoir, ont déjà noué des rapports assez étroits avec l'Ukraine. Oui, l'Ukraine bénéficie d'une considérable aide états-unienne. La troisième en importance après celle consentie à Israël et à l'Égypte. Enfin bref, Yushchenko part donc aux États-Unis. Ça lui permet de se faire connaître des milieux financiers internationaux. Et d'une certaine Katharina Shumanenko, qui va devenir sa deuxième épouse. Son patronyme, en tout cas, est ukrainien. Hein? Katharina, une très jolie femme, est en effet d'origine ukrainienne. Mais elle est née aux États-Unis, dans une famille qui a réussi à émigrer grâce à l'église orthodoxe ukrainienne. Républicaine convaincue... Républicaine aux États-Unis, hein. Oui, elle a déjà occupé de hautes fonctions dans l'administration américaine avant de s'occuper de cette fondation Ukraine-USA. Si j'insiste sur ce point de détail, c'est que les adversaires de Yushchenko n'oublieront jamais de mettre en évidence ses liens privilégiés avec les États-Unis. Par l'intermédiaire de sa femme. Évidemment. On ira même jusqu'à prétendre que c'est un homme de la CIA. Et c'est faux? J'en suis persuadé. Mais il n'a jamais caché qu'il était pro-américain, ce qui lui vaudra le surnom de gendre américain. Yushchenko dirige donc avec un brio certain la Banque centrale. Fin 1999, Kouchma sollicite un second mandat présidentiel. Contre lui, il y a en particulier un candidat communiste qui lui sert de repoussoir, ce qui n'empêche pas le président sortant et ses partisans de frauder. Ouais. Et Kouchma est donc réélu? Assez largement, oui. Mais les Ukrainiens ne sont pas dupes. La corruption est généralisée et le pouvoir a besoin de se refaire une virginité. C'est pourquoi Kouchma appelle au poste de Premier ministre Viktor Yushchenko, qui a la réputation d'être un très bon économiste, mais aussi un homme intègre, à la différence de la plupart des politiciens ukrainiens. Mais il n'arrive pas tout seul au pouvoir. Une femme l'accompagne. Qui, sa femme? Non. Mais la très belle et très sulfureuse Yulia Tymoshenko. Dans le Figaro du 25 décembre 2004, Irina de Chikov brosse le portrait suivant de Viktor Yushchenko. L'homme est réservé, un peu froid, mais il séduit. Non seulement parce qu'il a un visage avenant, la journaliste parle évidemment de l'homme tel qu'il était avant la tentative d'empoisonnement qui a déformé son visage, mais parce qu'il est aux antipodes des dirigeants retors ou un peu frustes de l'ère soviétique. Sa langue est châtiée, ses manières civilisées. Il n'aime pas la chasse, les cris, le laisser-aller. Il préfère la peinture, les icônes anciennes, ses ruches. On aurait tort cependant de prendre Viktor Andreevitch pour un rêveur, un innocent. Il connaît les réalités féroces de son pays, mais il n'a pas le goût de les affronter. Parlant de Yulia Tymoshenko, vous avez donc dit aussi belle que sulfureuse. En effet, belle, elle l'est incontestablement. Vous avez certainement vu des photos d'elle. Ah oui, habillée et coiffée comme une Ukrainienne traditionnelle. Avec sa tresse blonde roulée au-dessus de sa tête comme une paysanne ukrainienne. Ouais. Ça, c'est la Yulia révolutionnaire. Celle qu'on ira jusqu'à appeler la Jeanne d'Arc ukrainienne. Eh oui, car Yulia, c'est la traduction de Jeanne. Ah bon. Auparavant, c'était une superbe brune, très executive woman, si vous me pardonnez cet anglicisme. Je vous en prie. Et alors, sulfureuse? C'est la princesse du gaz, comme on l'a aussi surnommée. Enfin, je vous explique. Au départ, il y a une jeune économiste très ambitieuse qui épouse le fils d'un hiérarque communiste de Dniepropetrovsk et qui profite de la perestroïka pour monter les affaires. Dans quel domaine, là? Elle commence par créer une société de location de vidéos. Puis elle s'intéresse à la confection. Mais sa grande affaire, c'est le carburant. Ah oui, la princesse du gaz. Et grâce à cet homme, Pavlo Lazarenko, vice-premier ministre et escroc notoire qui est aujourd'hui emprisonné aux États-Unis, elle se voit confier la direction de la société qui détient le monopole des importations de carburant dans la région de Dniepropetrovsk. Ah, une situation très juteuse, j'imagine. Et vous imaginez très bien. Yulia, dès cette époque, gagne beaucoup d'argent. Puis toujours avec l'aide de Lazarenko, elle accède au poste de directrice de la première firme d'approvisionnement énergétique d'Ukraine. Ce Lazarenko étant un escroc, peut-elle elle-même garder les mains propres? C'est toute la question. Yulia prétendra toujours qu'elle ignorait tout des malversations de Lazarenko. Et votre avis, là? Ça me paraît assez difficile à croire. D'autant qu'elle se bâtit une véritable fortune et appartient désormais au clan des oligarques de Dniepropetrovsk. Un jour, elle donnera elle-même sa langue au chat, si je puis dire. Interrogée sur les magouilles, elle affirmera qu'en Russie comme en Ukraine, tous les hommes d'affaires sont dehors la loi. Elle aussi, donc? Forcément. En tout cas, il faut lui reconnaître que c'est elle qui réussira à apurer la dette gazière vis-à-vis de la Russie. Et ce n'était pas une mince affaire. Mais, soupçonnée de contrebande de gaz, elle finira par être attrapée par ses magouilles vraies ou supposées et sera même brièvement emprisonnée. Elle est aussi accusée d'avoir versé des pots de vin à des militaires russes. Et en 2004, le parquet de Moscou lancera même un mandat d'arrêt international contre elle. Ce qui lui interdit alors de se rendre en Russie. Mais, fine mouche, Yulia Tymoshenko retournera la situation en sa faveur et se présentera en victime du pouvoir. Du pouvoir ukrainien? Oui. Et cette richissime femme d'affaires rompt avec le président Kouchma et les siens. Alors là, elle entre dans l'opposition. Exactement. Elle crée même un parti qui entend fédérer les adversaires du pouvoir. Et cette femme, qui n'était pas très populaire en raison de ses activités passées, devient d'un jour à l'autre une sorte d'héroïne nationale. D'où son changement de vêtements et de coiffure. Naturellement. D'autant que ses adversaires lui reprochent de ne pas parler un ukrainien correct, mais aussi d'avoir une ascendance arménienne. Ouais, ça, le nationalisme ukrainien. Hein. Ah, même s'il s'exprime par la voix de personnages qui sont eux-mêmes russophones. Mais tous les moyens sont bons pour affaiblir ou calomnier un opposant. Toutefois, quand Yushchenko est appelé par Kouchma au poste de Premier ministre, on n'en est pas encore là. Donc, Timoshenko, Yulia, va donc être le vice-premier ministre de Yushchenko, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Mais n'a-t-il pas hésité, enfin, avant de lui demander de collaborer avec lui? À cause de sa réputation? Ah oui, bien entendu. Hein. Certainement, mais d'un autre côté, il y avait une femme intelligente, dynamique et très bien introduite dans les milieux d'affaires. Donc, c'est son carnet d'adresses qui l'intéressait. Et puis, il y avait péril dans la maison d'Ukraine, tellement le mécontentement de la population était grand. Il fallait donc rapidement prendre des mesures fortes. Lesquelles, par exemple? L'une des plus spectaculaires, réclamée d'autre part par la communauté internationale, ça a été la fermeture de Tchernobyl. Une décision courageuse, étant donné la dépendance énergétique de l'Ukraine. Et puis, Yushchenko et Timoshenko se sont mis en tête de faire payer les oligarques. C'est-à-dire? Beaucoup de ces capitaines d'industrie s'abstenaient de s'acquitter de tous leurs impôts. Or, la situation financière du pays devait être redressée le plus vite possible. Alors, Yushchenko et Timoshenko ont donc essayé de faire cracher ces hommes richissimes. Hein. Oui, et grâce à une série de mesures ingénieuses, ils y ont en partie réussi. Enfin, dernière mesure aussi importante que symbolique, ils ont fait voter la suppression de la peine de mort. Une victoire pour le droit de l'homme, là. Incontestablement, mais bien sûr, cette politique offensive leur a valu presque aussitôt de violentes oppositions. Les oligarques? Et ces trois clans qui avaient la haute main sur l'économie du pays. Et au printemps 2001, alors que Yushchenko avait réellement assaini les finances, ils ont obtenu sa peau. Donc Yushchenko a été viré, quoi. Et Yulia avec lui. Et c'est un éminent représentant du clan de Donetsk, Viktor Yanukovych, qui l'a remplacé au poste de Premier ministre. Au moins, c'était clair, là. Et à partir de ce moment, ce sont les trois clans qui vont effectivement diriger le pays. Et la corruption va aller de pair avec cette prise de pouvoir. Il faut aussi observer que Yanukovych est d'ores et déjà considéré comme étant le successeur désigné. Pourquoi, là? Parce que Kouchma a déjà effectué deux mandats présidentiels et que la Constitution ne lui permet pas de se représenter une troisième fois. Un mot peut-être sur ce Yanukovych, là? Volontiers. Cet ancien apparatchik, géant, ouais. Qui mesure près de 2 mètres et qui a autrefois eu quelques ennuis avec la justice. Attendez, là, de quel ordre? Yanukovych a été emprisonné pour vol, coups et blessures dans les années 60. Ouais, c'est pas rien, hein? En effet, mais il a été libéré par le KGB. Ah, ça, c'est très intéressant, ça, parce que on lui a sans doute demandé des contreparties. Le contraire me semblerait étonnant. En tout cas, une fois revenu à la liberté, Yanukovych a entamé une carrière politique extrêmement prometteuse, puisqu'il est devenu gouverneur du Donbass, la région la plus riche du pays, avant d'être nommé Premier ministre. C'est pas mal, mon ancien voyou, hein? Et le KGB n'a pas dû être étranger à cette ascension fulgurante. C'est très probable. Et ensuite, ce sont les oligarques de la région qui ont fait sa fortune et qui l'ont poussé jusqu'au fauteuil de Premier ministre. Mais justement, là, dans ce changement de Premier ministre, Yushchenko étant viré, est-ce que Moscou a joué un rôle? Je ne sais pas, car les Russes, en vérité, n'avaient pas vraiment à se plaindre de Yushchenko. Certes, il s'est attaqué à des oligarques qui entretenaient des rapports étroits avec leurs confrères russes, et peut-être même avec des dignitaires proches du Kremlin. Mais résolument libéral, Yushchenko a aussi permis à de nombreuses sociétés russes d'entrer dans le capital des entreprises ukrainiennes privatisées. Donc, à l'époque où il est Premier ministre, en tout cas, il n'est pas anti-russe. Hein? Pas du tout. Ah. Et pour une bonne raison. Il sait que son pays ne peut pas rompre les liens traditionnels qu'il a noués depuis des décennies avec Moscou. Prudence, donc. Même s'il doit aspirer, au fond de lui-même, à donner un peu d'oxygène à l'Ukraine en l'ouvrant à d'autres pays. Après avoir été viré, alors, qu'entend faire Yushchenko? Il passe presque naturellement dans l'opposition. Et entend s'engager dans la campagne présidentielle de 2004. Contre le candidat désigné, là, Yanukovych. Hein. Mais plusieurs éléments vont durcir ce futur combat électoral. Quoi? Ça commence dès 1998, avec l'assassinat de Vadim Etman. Oui, le mentor de Yushchenko. Oui, hein, oui. En mars 1999, c'est un curieux accident de voiture dans lequel périt le chef d'un mouvement réformateur. Puis, en octobre de la même année, au cours d'un meeting dans l'est du pays, une opposante au régime et 33 autres personnes sont blessées par des nervis qui attaquent à la grenade. et le pouvoir va accuser des dirigeants socialistes d'être à l'origine de cette agression. Il est alors clair que le régime de Kouchma est décidé à user de la violence pour faire taire l'opposition. C'est certain. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres et révéler la vraie nature du pouvoir, c'est l'affaire Gongadze. L'assassinat d'un journaliste, c'est ça Giorgio Gongadze, un homme qui gênait et que des sbires à la solde de Kouchma ont torturé et liquidé de façon atroce. Et il faut, de toute évidence, considérer que la révolution orange a vraiment commencé le jour où l'on a retrouvé le cadavre de Gongadze. Mais, si vous le voulez bien, on en reparlera la semaine prochaine. Car l'histoire de cette révolution dissimule encore bien des secrets. En attendant, je voudrais revenir à la personnalité de l'une des figures de la révolution orange, la belle Yulia Tymoshenko. La même journaliste du Figaro, Irina Deshchikov, que j'ai citée plus haut, évoque ainsi Yulia Tymoshenko, la passionnaria, dans un article de novembre 2004. Un petit bout de femme qui est aussi un ouragan. Ainsi la décrit-elle lors des manifestations de la Révolution Orange, je la cite. Un foulard orange autour du cou, tête nue, malgré le froid, la neige, la Jeanne ukrainienne invite les opposants à la désobéissance civile. Cessez de travailler et de faire vos études, descendez dans la rue et plantez des tentes partout. Je sais que c'est nous qui serons les vainqueurs, Yushchenko est notre président, il est impossible d'étrangler la liberté. Yulia est prête à tout. Prendre le siège de l'administration présidentielle, d'assaut, élever des barricades ou engager des négociations avec Leonid Kouchma. Elle le connaît bien, elle connaît tout le monde à Kiev et à Moscou aussi. Au début, Viktor Yushchenko n'était pas enthousiaste à l'idée de prendre avec lui cette jeune femme dont le passé de femme d'affaires ne lui inspirait guère confiance. Mais Yulia, fine mouche, était devenue l'amie de sa femme. Populaire, séduisante et séductrice, Yulia Tymoshenko a toujours su être là où il fallait être au moment opportun, sur la place de l'indépendance. Elle attise le feu en affirmant que des forces spéciales russes se sont jointes à leurs homologues ukrainiennes. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le livre de l'envoyé spécial permanent de Radio France à Moscou, Bruno Kaden, « L'Ukraine en révolution ».